Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de l'Another Podcast. Aujourd'hui, nous sommes quatre pour animer l'émission. Moi-même, François, Laurent, Alain et Dominique. Nous serons dès à présent en ligne sur la web radio Radio Bellafonte, tous les deux semaines le lundi à 19h, et également disponible en podcast sur la Radio Bellafonte et également sur notre site, sur Facebook, etc. L'émission d'aujourd'hui est une spéciale jeu vidéo, puisqu'on a une paire de news à voir. Hein. Et je propose tout de suite de commencer avec un jeu qu'on a peut-être tous testé, qui est Dog of War Online. Donc après une close bêta de 4 mois, Dog of War a enfin ouvert ses portes pour une bêta publique. Alors Dog of War, c'est un jeu de stratégie en tour par tour, qui est plus ou moins tiré en tout cas au niveau des règles, au niveau même des graphismes, des illustrations, qui est tiré de Confrontation, un jeu où on a passé de nombreuses heures à jouer, comme des acharnés. À foutre de fil, ouais. Et j'ai mon porte-monnaie qui a souffert aussi, non, également. Tous les bons jeux de figurines. On en parlera rapidement. Donc, le principe est très simple. Vous avez le choix entre trois armées, c'est bien ça, les humains, oui. Les wolfen, qui sont des sortes de loups-garous géants. Ouais. Le gros loup, ouais. Et la troisième... Les morts-vivants. Les morts-vivants. Donc, vous avez le choix entre chacun, une des armées, et vous pouvez donc sélectionner plusieurs types d'unités. Le système, c'est plus on gagne de combat, plus on gagne d'argent, et plus on a possibilité de gagner des unités. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, j'ai l'impression. Parce que t'as une limite d'unités, en fait. T'as un coût par unité, j'ai l'impression, et tu peux pas dépasser un certain coût. C'est ça, tu construis ton armée, si tu veux te battre. Bah, c'est comme dans un vrai jeu de figurines sur table. Hein. Tu dis avec tes copains, aujourd'hui on va jouer en 500 points, donc tu fais ta petite armée en 500 points, en sachant que telle unité coûte 20 points, tel chef un peu plus costaud coûte 100 points, etc. Voilà. Et ensuite, tu choisis tes unités, tu choisis un adversaire, et puis il y a un terrain qui apparaît, tu passes tes unités, et puis c'est parti pour la baston. Mais bon. C'est vrai, t'as pas de limite en fait. Si tu mets plus de points, bah, tu joueras avec un joueur qui a mis dans la même tranche de points que toi. C'est ça. Donc c'est généralement une tranche de 100 points, ce que j'ai vu. Hein. Au début, t'as pas le choix. Donc il y aura 200 points au début, et après ça augmente Un peu comme des catégories, quoi, ou des divisions. C'est niveau 4 ou autre pour passer au niveau d'après, mais disons que tu peux à chaque fois monter tes personnages, en mettre plus ou alors prendre des plus gros. Mais moi, j'ai pas joué beaucoup, mais à chaque fois, j'ai fait deux matchs. À chaque fois, j'ai 5 mecs et puis je me retrouve avec deux en face. Et ça dépend des Pourquoi il y en a que deux ? Peut-être qu'ils sont plus forts. Puis ils commencent à arriver sur ma gueule, ils me tapent deux coups. Je fais bon, j'ai compris pourquoi ils sont deux. Mais ça va, j'ai toujours gagné, mais c'est bizarre. Les morts vivants coûtent vraiment pas cher, les humains coûtent un petit peu plus cher et les wolfen qui sont les plus puissants, mais voilà, qui tapent beaucoup plus fort et qui vont plus vite et qui tapent deux fois et qui ont des grosses armes. Une fois, j'ai joué, donc j'avais pris l'armée de 200 points, donc moi j'avais 5 persos. En face, le mec avait pris le wolfen à l'arbalète, il était tout seul. Alors, le pauvre, il a pas fait grand chose. Hein. En deux tours, voilà. C'était réglé. Moi, t'as perso, moi t'as de stratégie, quoi. C'est, Ça va plus vite au moins, ça permet d'enchaîner les matchs. Et plus t'as de points, plus ça peut aller d'une partie extrêmement longue à une partie très courte. Avec que des tanks. L'avantage du jeu vidéo par rapport au jeu de figurines, c'est qu'ils n'ont pas à peindre la figurine. Ça coûte moins cher. Le jeu en bêta, là, est gratuit. On peut s'inscrire. Voilà, il suffit d'avoir un compte Steam, tout simplement. Peut-être créer un compte pour le jeu lui-même. Tu choisis une des armées. Tu peux même tester les trois, en fait. Après, en gagnant des matchs, ou même en les perdant, d'ailleurs, tu gagnes un peu d'expérience et d'argent qui te permet d'acheter de temps en temps une nouvelle unité à rajouter à ton clan, enfin, à ta bande. Mais après, tu peux dépenser du vrai argent, donc des euros, pour c'est ce qu'on appelle le pay to win. Pay to win. Avec des vrais euros, tu as une autre monnaie qui permet d'acheter plus vite les unités. Mais ce que j'ai vu qui était vachement intéressant, c'est que les unités, au fur et à mesure que tu les mets dans les combats, elles évoluent aussi. Ouais, les niveaux elles-mêmes. Ouais. Et ça, pour les gens qui ont joué à Confrontation, c'est plus ou moins l'effet nouveau qu'on n'a pas dans les jeux de figurines. Ça avance pas vite. Je fais des matchs un petit peu tous les jours. Ça avance tout doucement, parce que moi je dépense pas d'euros encore. Mais le problème, c'est que lorsqu'on va augmenter son unité, son point, le coût de l'unité, oui, normal. Lui augmente également. C'est normal. Donc en fait, on a l'impression qu'on augmente son unité, mais c'est comme si on en achetait et une encore, autre. Là, j'ai augmenté, j'ai peut-être 2, 3 unités qui sont passées niveau 2. J'ai vraiment pas beaucoup joué, j'ai pas d'apporté d'euros. L'effet, le bonus qu'on gagne, c'est pas transcendant, mais bon. Ouais, tu peux mettre une compétence en plus. Hein, voilà, c'est ça. Donc, niveau, mais... un magicien, par exemple, aura peut-être un sort en plus. Un combattant aura peut-être un effet en plus. Moi, par exemple, j'ai mis un effet sur une créature. Quand elle engage une créature ennemie, la créature ennemie ne peut pas répondre. Elle est étourdie. Donc, c'est un bon avantage quand même, mais ce n'est pas transcendant. Moi, j'avais pris un où j'avais 15% d'ignorer les dégâts. Quelque chose voilà, genre. C'est comme l'archer. On peut customiser un peu. Les archers au corps à corps, ils doivent se désengager. C'est un truc compliqué. Ouais. Et j'avais un bonus pour avoir 30% pour éviter le... en plus. Quoi. On peut jouer en ligne, on peut tester, on peut jouer des matchs d'entraînement contre l'ordinateur. On a des missions aussi de temps en temps. On peut envoyer une unité en mission, gagner un peu d'XP, voilà. Et gagner de l'argent, enfin de la monnaie du jeu. Et bah, c'est sympa pour l'instant. Puis ça fait plaisir de retrouver les graphismes. Et les créatures, sûr. Voilà. Et rien que les images, parce que je me souviens quand nous on achetait les cartes, on avait quelquefois en bonus des petites cartes avec les dessins, les illustrations. Ouais. Et ils ont gardé ces illustrations. C'était ce qui faisait la qualité, la renommée du studio Rackham à l'époque, c'est la qualité des figurines qui était énorme, même physiquement et visuellement, et des dessins. Faut dire que à la base, quand ils créaient les figurines, c'était les illustrateurs qui étaient super talentueux. Qui créaient des créatures de folie, et les sculpteurs de figurines arrivaient toujours à reproduire les figurines qui étaient dessinées, c'était vraiment impressionnant. Et les figurines, je suis sûr qu'il y a des gens qui achetaient les figurines, qui jouaient au jeu, mais juste pour les figurines, parce qu'elles étaient magnifiques et imposantes. Et j'en ai encore quelques-unes qui traînent dans des cartons. Ouais, je me suis certaines avaient leur poids en plomb. Oh oui. Alors, comme on parle de confrontation, donc, c'est un jeu de figurines qui est sorti en 1996. Et ça nous rajeunit. On prend un coup de vieux. Et donc, c'est des figurines qui étaient commercialisées sous forme de blister. Mm-hmm. Alors, je me souviens plus du prix d'une figurine en moyenne. C'était en francs à l'époque. C'était en francs en plus. Oh là là là là. Donc, Confrontation était un jeu qui était basé sur des dés à 6 faces. Mm-hmm. C'était un jeu d'escarmouche par rapport à des jeux de figurines comme Games Workshop, Warhammer ou Warhammer 40 000, où là, tu fais une armée de 5 ou 6, enfin, 5 ou 6, mais il faut déjà y aller, où tu as beaucoup de monde sur la table. Là, c'est un jeu d'escarmouche, c'est-à-dire que c'est plus rapide d'une part, et puis il y a moins de figurines en jeu. Donc. Mais c'était presque du combat de rue, du quartier par rapport à une guerre complète, quoi, une bataille complète. Ensuite, donc, pour déplacer les unités, on utilisait une sorte de petit mètre. Alors, de souvenir, c'était en pouces. Ou en déplacer les unités, si je ne me trompe pas. On avait cette règle être rouge, je me souviens bien. Mm-hmm. Et ensuite, associé à chaque unité, on avait une carte avec le descriptif, une petite image. Des caractéristiques, et voilà, des pouvoirs et compagnie. Donc ensuite, le jeu Confrontation en 98, ils ont fait une nouvelle édition de Rackham. Alors je ne vais pas détailler les éditions, mais moi ce qui m'a plus ou moins choqué, c'est lors de la 4e édition, je pense qu'ils ont changé carrément le système de jeu, mais également les figurines, qui sont devenues des figurines en plastique et déjà peintes. Ah, ils vendaient toujours les figurines en plomb, je pense, mais toujours plus cher, et là, ça permet d'avoir un public un peu plus large, mais bon. Mais moi, je me souviens, c'est peut-être pour ça qu'on a vraiment accroché au jeu, c'est qu'on avait des figurines en plomb comparées au plastique qu'on pouvait avoir dans d'autres wargames. Il y avait... Oui, c'est ça, bon, les joueurs de Warhammer 40 000 pouvaient acheter les figurines en plomb pour avoir un peu plus de masse, etc., enfin, en plomb ou en plastique. Mais là, comme il y avait moins de figurines, ils se permettaient, et que c'était de la figurine de qualité, ils se permettaient d'avoir les figurines en plomb, et pour en payer le prix. C'était encore à peu près raisonnable parce que c'était presque des œuvres d'art par moment. Le rapport qualité-prix était bien. Ouais, ce qui n'est pas le cas de la secte au pull rouge. Mais bon, la secte au pull rouge est toujours là. Tandis que Rackham a fini par couler. Même si j'ai eu succès à l'étranger dans le monde, ils étaient reculés. Mais d'ailleurs, on voit de temps en temps les gens qui bossaient pour Rackham, les sculpteurs et compagnie, qui travaillent dans d'autres sociétés, qui sont repris. Et... Donc c'est en 2011, lors du salon l'E3. Que la société française de jeux vidéo Cyanide, qui a fait notamment Blood Bowl, l'adaptation jeu vidéo, oui. Tout à fait, qui ont fait donc une adaptation PC, et c'est pour cela qu'on a dorénavant un jeu donc Dog. Il y avait déjà eu un jeu qui est toujours disponible, qu'on peut acheter sur Steam. Il doit s'appeler Confrontation, tout simplement. Et c'est un jeu solo, une espèce de RPG où on a des scénarios, des aventures, un peu à la Warhammer, comme les jeux Warhammer. Est-ce que c'est celui-là qui est sorti en 2011? Ça doit être celui-là, oui. Bon, pour ceux qui ont connu le jeu, ça va être un vrai plaisir d'y jouer. On peut y jouer contre les joueurs ou contre l'ordinateur. Moi, ce qui m'a bluffé quand je me suis connecté, c'est le nombre de règles qui te foutent dans le tutoriel, mais alors t'en prends partout. Heureusement que nous, on a cette cette. On a déjà joué au jeu de figurines, donc logique, on trouve un peu le. Moi qui ai jamais, enfin bah. Qui ai jamais joué à ce genre de jeu, mais j'ai fait le tutoriel, je me suis dit, mais c'est quoi cette usine à gaz, mon Dieu. Et pourtant, c'est relativement simple. J'étais perdu. Ouais, mais à tour de rôle, on joue une figurine, quoi. Il y a voilà. Mais il y a pas que ça. Il y a tellement d'autres trucs à côté. Position défensive, il y a d'autres. Enfin, oui, c'est... mais bon, tu peux jouer simplement. Et même quand t'as fini le tutoriel. Il te met sur un menu où tu peux. J'ai l'impression de pas avoir compris le menu. Tu peux gérer tes troupes. Tu peux... Mais je fais what? Je dois aller où? Je dois faire quoi? Mon Dieu! Oh là là. J'étais un peu perdu, mais à mon avis, c'est juste une question d'habitude. Faut s'y faire, mais faut se mettre dedans, quoi. Faut vraiment aimer, quoi. Mais c'est vrai que les règles, je les ai mangées plus facilement. Mais je me suis dit, si je suis un novice dans le domaine, je vais rien comprendre du tout. Toi, t'avais fait des wargames, Alain? Ouais, bon, t'avais fait quelques parties avec nous, oui. Voilà. T'avais joué à quoi de... Bon, c'est ça. Ça remonte. On avait dû faire du Warhammer. Ouais, du Warhammer, ouais, c'est un petit peu de Necromunda, mais bon. Non, mais c'est vrai que du Warhammer. Mais n'est pas compliqué. C'est vrai qu'à tour de rôle, les joueurs jouent une figurine ou une escouade. Et quand tu arrives au contact, tu lances les dés, puis tu vois celui qui reste debout. Puis voilà, quoi, le principe est le même. Mais à confrontation, je me souviens de partie où tu sortais ton perso qui valait une fortune, t'avais craqué tous tes points d'armée pour le sortir et il se faisait tuer par la bête qui va rien du tout. Oui, bah quand t'as pas de chance, faut pas jouer ces jeux-là. T'as l'alarme qui. Faut pas jouer à ces jeux-là quand t'as pas de chance. Arrête. On en parlera peut-être plus tard. Et si moi j'ai un petit reproche à faire à The God of War Online, c'est qu'on n'a pas le système de dés. J'aurais aimé voir un jet de dés. Les lancers sont automatiques. Tu peux afficher la petite console où il y a tu vois les lancers de dés qui s'affichent. Bon, mais c'est pas. Bah, ça, je l'ai pas vu, ça. C'est vrai que j'aurais bien. Moi, je joue Wolfen, donc j'envoie mes créatures et je sais qu'en face, ça va tomber. Et c'est tout. Donc, passons à un autre jeu. Encore une séquence nostalgie. On va parler maintenant de Dungeon Keeper. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont joué à l'édition de 97 sur PC? Oui. Ah là là, oui. Un bon petit jeu Bullfrog. Ça remonte bien aussi. Donc, ils ont sorti une version. Sur l'époque. Mais même le système apparemment du jeu Dungeon Keeper était un peu innovant. Ouais, c'était original parce que un jeu vidéo classique de style RPG, donc un style jeu de rôle, tu fais ta petite équipe de héros et puis tu les envoies dans un donjon chercher des trésors. Et puis là, le principe, c'est que tu jouais l'inverse. Tu jouais le donjon, enfin le maître du donjon, et puis t'as des vilains héros qui venaient chercher tes trésors. Il fallait mettre des créatures pour l'aider, des pièges pour le défendre. Héros, j'aime bien ce terme. Des vilains héros. Donc apparemment, ils ont sorti une adaptation mobile. Pour faire un petit résumé, hein, le jeu de stratégie, donc Dungeon Keeper Initial, sorti en 97, qui était créé par Peter Molineux. C'est un jeu qui se présente comme un jeu de gestion ou de stratégie, où, comme tu disais, Dom, on essaye d'empêcher les héros de s'infiltrer dans le donjon. Au début, on a un donjon vierge, on a un peu d'argent, on recrute des créatures, on crée des salles. On crée des pièges. On met des pièges, on recrute assez bourré au final. Hein. On peut faire des unités. Ah oui, c'est de la réflexion, il faut réfléchir parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Petite réflexion. Mais bon, après, le plaisir, c'est ça, c'est de voir les créatures massacrées. C'est plus un Tower Defense en gros. Non, ça serait plus comme un theme park, on pourrait appeler ça le thème donjon. Tu crées ton donjon et tu gères un peu tes créatures, tu leur donnes à manger, etc. C'est un mélange de Tower Defense, c'est limite de Warcraft, où tu dois collecter tes ressources, tout ça, pour créer des salles, des pièces. Parce qu'au début c'est tout simple, et puis après c'est de plus en plus difficile, et voilà, il y a des challenges. Et c'était le côté aussi, dans le jeu original, c'était le côté visuel et sonore, toutes les créatures étaient sympas, les succubes, les donjons, les gros, les ogres, les dragons, enfin je sais plus ce qu'il y avait comme créatures, on avait tellement. Et visuellement, c'était sympa parce qu'on pouvait taper sur les créatures, etc. C'était assez rigolo, quoi. Il y avait beaucoup, beaucoup d'humour dans le jeu. Oula, c'était vraiment l'un des points forts. Tu prenais la créature, et puis quand tu la prenais, elle râlait. Quand tu la reposais, elle était contente, etc. Voilà. Et apparemment, donc, dans cette nouvelle version mobile qui est sortie donc, récemment, ça fait un flop complet. À tel point que le créateur, donc Peter Molineux, je ne sais pas comment on dit, le créateur original de la franchise, a qualifié le jeu, selon lui, de ridicule. C'est bien ça, tu vends ta licence et puis derrière tu casses le jeu. Ça dirait les clés de bagnole. Donc le principe de la version mobile est simple, le joueur est toujours dans la peau d'un gardien de donjon. Il doit creuser dans le sol pour créer des galeries et des salles. Le gros problème, c'est que, comme certains jeux de mobile, on crée la salle, mais ça prend un temps de construction, un peu comme dans les hauts games. Mais c'est ça, tu lances une créature ou tu lances une recherche, je ne sais quoi, ou la fabrication d'une arme, et ça prend, au début ça va assez vite, ça prend 10 secondes, puis après, ouais, plus loin, ça prend une minute. puis ça prend, je sais pas, 2-3 heures, enfin, je sais pas, aller très loin. Heureusement, ils ont tout prévu. Heureusement. On peut avoir des cristaux pour accélérer. On a quelques accélérer. Cristaux au départ. Et on dépense ces cristaux donc pour accélérer la construction, le rendre instantané. Je suppose qu'au bout d'un moment, ces cristaux, il va falloir les acheter avec du vrai argent. Parce que l'application est gratuite à la base. C'est assez perspicace. Play to win. Voilà. Donc, sauf si on est vraiment envie de s'amuser de façon casual, hein, c'est le terme, et de pas se prendre la tête, on ne dépense pas un sou, pas un centime. Non, bah justement, moi je me... Tu l'as testé ? Oui, absolument. Moi je l'ai testé et malheureusement j'ai pas joué la version PC, mais j'ai vu beaucoup de gens y jouer et je me suis dit, ah oh, c'est génial qu'ils sortent un Dungeon Keeper sur PC, ça va être vraiment sympa. Sur mobile. Enfin, une version PC sur mobile, pardon. Bon, les mobiles de maintenant sont plus puissants que les PC d'époque. Et j'ai eu l'impression de jouer un jeu banal de gestion de... Comme il y en a plein sur mobile. Ville, ouais. Mais j'ai trouvé aucun intérêt vraiment à jouer. On a perdu ce côté plus ou moins humour, enfin que j'ai pas trouvé présent en tout cas. Bah, l'humour, moi j'ai trouvé ça un peu puéril et un peu... Enfin, c'était pas... Il y a un petit côté nostalgique, c'est sûr que les joueurs de Dungeon Keeper vont peut-être l'installer sur le mobile pour tester au moins. Alors moi j'ai testé... Au début, ça commence par un tutoriel, comme tous les jeux mobiles. Il nous dit, voilà, faut cliquer là, faut faire ceci, faire là, un exemple. Mets un piège à tel endroit. Voilà, on fait ça, on lance une recherche. Ah, vous voyez, si vous appuyez là pour dépenser vos diamants, ça va plus vite. Moi, je le faisais pas. Je faisais exprès de ne pas faire ce qu'on me disait. Donc, le tutoriel est relativement long. Puis, voilà, j'étais en train de jouer, puis on m'a appelé. Donc, du coup, j'ai interrompu le jeu, puis je suis revenu, j'ai dû recommencer le tutoriel au début. Bon, j'avais pas fait beaucoup d'étapes, c'est pas gênant. Puis j'ai relancé, je suis allé un peu plus loin. Et puis, j'ai dû poser mon téléphone pour faire autre chose. Quand je suis revenu, le jeu s'est arrêté. J'ai relancé, j'ai dû recommencer encore le tutoriel au début. Je l'ai encore fait. Je suis allé un peu plus loin. Et il n'y a pas de sauvegarde dans le tutoriel. Donc, au bout d'un moment, j'en ai marre, j'ai désinstallé le jeu. Et bon, ça, voilà. Donc, ça... Moi, le problème, c'est que j'ai été plus loin que le tutoriel. Ah oui, quand même. Et d'où la grande déception. Dis donc, tu n'as pas été interrompu pendant le tutoriel. Non. Donc au début, dans le tutoriel, comme ils te font dépenser des cristaux à tout va, t'as l'impression que tu construis tes pièces, tu mets tes pièges à l'endroit précis, tu dis « Ah, je suis en train de faire un donjon, c'est trop bien ». Tu finis le tutoriel, tu commences le jeu, et là, tu commences à creuser, puis ça prend du temps. Et après, tu veux construire quelque chose, puis il dit 10 minutes. Tu fais « Bon ». Je me suis dit « Bon, je vais couper le téléphone, je vais me reconnecter pour dès que ça a fini ». Moi, je me suis jamais reconnecté. Voilà. C'était sympa. Je me suis dit, quel est l'intérêt Non, c'est vraiment le côté nostalgie. C'est sympa, ils ont bien fait le truc. Graphiquement, on retrouve bien le... Enfin, c'est même plus beau qu'à l'époque, je pense, parce que les téléphones sont même plus puissants, beaucoup plus puissants que les PC de l'époque. En fait, ils auraient dû refaire une version, un remake de la version PC du premier jeu de base, la faire payante de base, puis faire un jeu correct qui prend plaisir à jouer. Si ça donne peut-être plus envie de retrouver sa version sur PC et d'y rejouer sur un PC de maintenant. Peut-être une version adaptée, améliorée, revue. Ou pas. Mais bon. Alors, Peter Molineux, hein, puisqu'il est apparemment, lui, il a beaucoup d'humour à citer. Ouais. Je me suis vu tourner en rond en me disant « Quoi, c'est ridicule, je veux juste faire un donjon. Je veux pas avoir à planifier ça avec un réveil pendant 6 jours pour revenir et casser un nouveau caillou. » Ce qui est exactement le sentiment que j'ai eu. Comme dans beaucoup de jeux sur... voilà. Donc ils sont contents, parce que les développeurs, je pense qu'ils ont eu la licence, ils en ont profité, tant mieux, ils ont peut-être retravaillé un peu les graphismes. Mais ça suffit pas. Et surtout qu'ils voient comment se faire du fric et si t'es obligé les joueurs à payer pour avoir des cristaux pour accélérer. C'est le modèle économique des jeux. Le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui prend la peine d'acheter ça. Quoi. C'est le modèle économique des jeux sur téléphone, sur plateforme mobile et sur Facebook. Bah ça, moi j'aime bien le free-to-play. Moi je trouve ça une très bonne idée. Après je suis pas forcément un bon contributeur. Il y a des jeux gratuits comme ça, comme on parlait tout à l'heure de Dogs of War. Tu peux très bien t'amuser, bien profiter du jeu, si tu mets une ou deux parties par jour, sans dépenser un seul centime. Ou Hearthstone, dont on a parlé longuement dans les... Voilà, tu peux très bien ne pas... J'avais promis qu'on ne reparlerait pas d'Hearthstone. Un exemple. On peut pas. Tu peux très bien jouer dans un coin, pas de façon compétitive, et t'amuser, faire une ou deux parties par jour, voire plus, et sans dépenser un seul centime d'euro en vrai argent. Mais dans... Ubuntu. Ouais, pareil, dans King of Bounty. Mais après, tu te sens pas non plus fautif de pas participer, puisque dans le sens tu sais qu'il y a des gens qui vont payer. Voilà, tu fais partie de la population du serveur, donc ça motive aussi d'autres gens à payer, etc. Éventuellement, au pire, tu payes peut-être indirectement sur certains jeux quand il y a de la publicité. Il y a peut-être certains jeux qui se financent comme ça. Donc, sur le site Metacritic, le jeu mobile a récupéré la fameuse note de 0,3 sur 10. Pas mal. Ah. Y a pas, apparemment, il n'y a pas eu encore un seul vote positif. C'est un des records de notes. Bah, le positif, moi, ce que je verrais, c'est ça. C'est peut-être les gens qui ont joué à l'époque, ou qui ont vu, même pas joué, mais vu Dungeon Keeper, voir l'adaptation, dire « Ouais, c'est bien fait, on retrouve graphiquement. » Et puis c'est tout, passer leur chemin. Quoi. Il y a alors, ce qui, sont ce qui a un peu perturbé le net, il y a beaucoup de jeux mobiles qui font la même chose, c'est qu'on a une fenêtre qui apparaît en disant « Est-ce que vous voulez noter le jeu ?» sur Google Play ou Google Play, oui, le Play Store. Ouais. Donc, lorsqu'on on clique sur 5 étoiles, donc on a deux choix, 5 étoiles ou 1 à 4 étoiles. Ah donc, bon, si on clique sur 5 étoiles, on arrive directement sur Google Play, on écrit sa review. Si on met de 1 à 4, on arrive sur une autre fenêtre qui nous demande d'expliquer pour quelle raison on ne choisit pas de mettre cette note de 1 à 4, mais on arrive nullement sur Google Play pour noter le jeu. Et ça fait vraiment beaucoup de bruit sur Internet. Les gens sont un peu choqués, bah oui, voilà, révoltés en disant « Ouais, vous êtes sympa, quoi. » Donc ça donne pas la possibilité tout de suite de le faire et c'est un peu marrant. Si vous ne voulez pas faire comme Peter Molineux et faire sonner votre réveil pour casser un caillou. Une façon simple, ne pas l'installer du tout. Il y en a qui ça convient, il y en a qui jouent occasionnellement, et ils vont au boulot, ils lancent un truc, ils reviennent, ils dorment. Et... Il y en a, c'est leur style de jeu, les gens qui sont pas no live, qui sont casus, qui prennent vraiment le temps pour jouer tout ça. Je pense qu'au bout d'un moment, il y en a à qui ça peut convenir. Mais... Ouais, mais... Moi, j'aurais bien aimé réussir à passer le tutoriel, mais je n'ai même pas réussi à passer le tutoriel. Tu veux qu'on s'y mette à plusieurs en se relais pour si t'es dérangé. On verra. Mais je pense que c'est une mauvaise idée pour un jeu mobile de se dire 10 heures. J'ai trouvé tellement d'autres bons jeux sur mobile récemment. Peut-être qu'on fera une autre émission dessus, mais voilà. Alors, autre jeu de mobile dans le même genre, je sais qu'Alain, toi, t'avais testé les Simpsons. Ils avaient fait un jeu de gestion de ville un peu... Oui. Qui était sympa, mais à la longue, lassant. Parce qu'on se retrouve à faire toujours la même chose au final. Il y a quelques missions, on débloque des personnages, mais une fois qu'on les a débloqués, il ne se passe plus grand-chose. On peut toujours reconstruire sa ville différemment, machin, mais ça prend énormément de temps. Après, ils mettent pas mal de nouveaux contenus, tous les événements, oui, Saint-Valentin, Noël, Halloween. Ils rajoutent quelques petites choses. Ma copine y joue. Et, c'est bien suivi, mais... Ouais. Ils mettent beaucoup de contenu, mais c'est vrai que c'est tout le temps la même chose, je veux dire. Je suis un grand fan des Simpsons, mais j'ai quand même vite décroché... Ok, là, Saint-Valentin, je sais plus, il y avait des cadeaux, ou Noël, t'avais des cadeaux, tu cliquais dessus, Halloween, t'avais des serpents, tu cliquais dessus, bon d'accord, et quand est-ce que je fais autre chose que cliquer, quoi, En tout cas, ils avaient vraiment respecté l'univers des Simpsons, on y retrouve énormément de références. Ça, les références peuvent même les personnages, tu trouves des trucs dans un épisode, 198, il y a un mec en figurant derrière, mais il est dans le jeu, quoi. Il y a des références de la première à la dernière des saisons. Donc moi je l'avais installé, j'avais commencé, je trouvais ça sympa, et puis j'étais chez un ami qui avait débloqué toutes les features. Oula. Donc, avait accès à... qui avait déjà la ville complète, quoi. Ouais, c'est pas drôle. Puis tu te fais c'est ça le résultat, suivant. Dommage. J'ai bien envie de faire un petit album découverte, alors un peu différent des albums découvertes qu'on a d'habitude, puisque cette fois-ci ça sera peut-être... plus intéressant à écouter. Comment ça, Mister T, c'est pas intéressant? Non, en fait. On perd le côté humour qu'on peut avoir sur certains albums de découvertes. Voilà. Alors, c'est un groupe que Alain connaît extrêmement bien. Le groupe s'appelle Press Play on Tape. Et c'est un groupe qui reprend majoritairement des musiques de jeux vidéo. Mais qui n'a plus rien fait depuis longtemps. Et là, c'est malheureusement. Allons des petits fils de entre deux. Faut reconnaître la musique là. Le jeu vidéo. Bah, moi ça je le sais, sinon c'est pas la peine. Ça commence en douceur. C'est la peine que je joue. Donc il reprenait c'est version rock. Ah c'est. Je cherche le nom, mais voilà. Un pré blind test. Qu'est-ce que j'ai pu débrouiller? Je sais pas jouer. Sur des musiques. Bien sûr, voilà, je connais ce jeu par cœur. D'aventure. Ah non, c'est pas ça là. Merci. Alors je pars pas au même jeu. Un jeu de LucasArts. Alors je pars pas à ça moi. Non, moi ça me faisait penser à Cannon Fodder. Ah bah non, ça c'est ils ont fait que Cannon Fodder. J'imagine. Ouais, parce que ça commence un peu pareil. Ils l'ont fait, c'est en fait ils avaient fait les tours live en public. Et en fait chacun avait des manettes dans les mains, n'importe quoi comme manette. Et en fait chaque bouton ou truc ça faisait un des samples. Ils l'ont refait en live comme ça. Là il y a des musiques de jeu, voilà. On va faire un podcast spécial musique de jeu. Vous avez une manette Xbox, une. Il y avait la danse, il y avait. Les bongos. Ouais. Vous avez les bongos. Je sais plus sur quelle console c'était, ça c'est bongo d'ailleurs. N64 GameCube. GameCube. Je sais, je les ai encore. Donc chacun avait sa. Une manette différente. Et il y avait John R. qui était venu. Ouais. Et qui avait le stick Atari. Ah non, stick Atari. Non, c'était pas un stick Atari. Il y avait un bouton et un stick, donc. L'Atari, je suis sûr que ça l'avait. Et lui, il faisait juste les bruits de pistolet. Lui. Mais cette version, elle est vraiment excellente. Au début, elle fait simple, et après, c'est un groupe qui est plutôt formé façon rock, on va dire. Mais il faut vraiment aller voir la vidéo, elle est bien sympa aussi, également. Bon, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. C'est vrai, on l'a toujours pas cité. Donc c'est Press Play on Tape avec le jeu qui est interprété aussi. C'est pas du Monkey Island. C'est Monkey Island. J'ai jamais joué à Monkey Island. C'est un des jeux préférés d'Alain. Je sais. Le jeu préféré. Ça peut. Ah, des jeux où j'ai passé plus de temps. Ça peut, parce qu'à l'époque, on n'avait pas internet. On pouvait pas dire, je suis bloqué, la service machin, lui. On avait les magazines pour t'avais, les magazines. T'avais joystick, on avait les magazines. Et t'espérais qu'on puisse éventuellement trouver, un petit quand truc. Quand tu étais bloqué dans un jeu, tu allais chez ton marchand de journaux, tu attendais, donc tu avais des jeux avec les codes, des jeux avec les pics et les pocs. Il fallait autre chose. Ou si tu étais à tes deux, tu cherchais toi-même comment modifier ton jeu. Tu avais tapé dans le code et changer la valeur, te mettre 250 au lieu de. Pas la Monkey Island, tu pouvais pas modifier. Il fallait réfléchir. C'était pas toujours logique ce qu'il fallait faire. C'était moins casse-tête que Goblins, non ? Je sais pas, on tellement de problèmes à en avoir. Non, les jeux comme Goblins ou les jeux avec le Goblins, c'était plus des casse-têtes et tout ça. Non, c'est pas casse-tête, mon Monkey Island, ça. C'est aussi un peu casse-tête, mais. L'ambiance était tellement bien, les musiques étaient tellement fabuleuses dans ce jeu, c'est que tu pouvais passer des après-midi à chercher le même truc, mais sans avancer. C'était immersif. T'avançais pas, mais ça te faisait plaisir. T'étais content. T'en avais un peu mal. La musique était. Mais on retrouve la même chose dans certains jeux récents où on te donne une carte au trésor et tu vas passer une journée. On en parlera dans quelques instants. Dans la deuxième partie de l'émission. Ah, okay. Ça marche. Alors Dom, je sais que tu m'as contacté cette semaine en disant j'ai trouvé le jeu du siècle. Je sais pas de quel siècle, mais. Et c'est vrai qu'en regardant la vidéo, je me suis dit ça c'est du lourd. Ça donne envie de jouer. Le jeu s'appelle Goat Simulator ou GTA Goat. C'est un nom alternatif. Donc pour les non-anglophones, c'est chèvre. Voilà. Donc le GTA chèvre. Le simulateur de chèvre. On a eu les simulateurs de tracteurs, simulateurs de conducteurs de camions, de bûcherons, de laveurs, voilà, n'importe quoi. Ce qui est... Ils étaient pas mal en soi, ils étaient bien, ils étaient bien faits. Ça représentait bien ce simulateur. Mais bon, c'est conducteurs de camions. Oh là là. Je suis pas sûr. Ouais, faut dire, c'est bien fait, mais c'est pas forcément passionnant. Nettoyeur des rues. Ouais. Ouais. Ah oui, exactement. C'est le joueur du grenier qui avait fait un truc sur le camion. Pendant 3 heures, le mec est en train de rouler entre Paris et Nice. C'est un trip, mais... Quand je dis qu'ils sont bien faits, il y avait quand même pas mal de merde au niveau. Ils sont jolis, mais si je me souviens de l'épisode du joueur du grenier, la physique était un peu merdique. C'est pas le but. C'est sûr qu'en laveuse de trottoir, t'es pas censé rentrer dans des mêmes voitures, mais bon, après, si tu joues le jeu, tu peux avoir une vraie simulation. C'est plus pour le fun. Heureusement, c'est pas vendu cher, ces jeux. Et encore, je me dis, le truc simulation de camion. Bon. À la rigueur, le gamin, son père y est routier, il est content, voilà. Il dit tiens, allez, comme Popo. Quand tu aimes bien les camions. Ce matin, moi je pars comme Popo, et puis allez hop, je vais au même endroit. Voilà. Hein, et puis quand il est arrivé, il m'appelle. Voilà, par exemple. Tu voyages dans l'Europe et tout, tu apprends les parents sont, voilà. Tu apprends la géographie. Les parents sont agriculteurs, et ben le gamin, ben, voilà. Le Goat Simulator. Je ne vois pas. Ta mère, c'est une chèvre. Et les parents sont agriculteurs, je ne vois pas. Et encore, le but du jeu est pire encore. Je pense que j'ai mis en avant le nom Goat Simulator et je pense qu'il vaut plus prendre celui de GTA Goat, qui serait peut-être plus adapté parce que quand je vois dans la vidéo, on peut voir la chèvre notamment qui prend une hache par la langue. ou qui grimpe une échelle avec sa langue. La langue des chèvres est vachement râpeuse, hein, c'est bien connu. Elle peut attraper des objets et s'en servir comme, comme arme, on peut le dire. Oui. C'est, on peut dire, simulateur de chèvre, à la base, tu dis, bon, une chèvre, ça fait pas grand-chose, quoi. Détrompez-vous. Eh bien, voilà, dans le jeu, on peut lui faire faire un peu n'importe quoi. Attaquer des gens, c'est quand même réservé à un certain public. Hein. Mais le but en lui-même, c'est pas de faire des points de... Je sais pas. J'ai l'impression que tu gagnes des points quand tu te fais mal, un peu comme à Truc Dismouth. Je sais pas trop quelle était l'idée des développeurs. À mon avis, ils n'avaient pas l'idée à la base. Je crois, j'ai un moteur graphique sous la main. C'est compliqué. Je pense qu'on a lancé un challenge, puisqu'on a à peu près des simulateurs pour n'importe quoi. Qui est capable de nous faire un simulateur de chèvre? Et les gens se sont dit, on va le faire. Et ils l'ont fait. Ou c'est en cours, ou on sait pas trop. Alors, en fait, l'histoire, donc, la boîte s'appelle Coffee Stain Studio. C'est un studio suédois indépendant. Ils sont forts les Suédois. Hein. Surtout les indépendants. Et ce qui est marrant, c'est que l'un des membres donc, du studio a dit on a fait la vidéo, on l'a postée, et le lendemain on s'est réveillé, on avait déjà 100 000 vues. Mmh. Ce qui est plus que tous nos jeux réunis. C'est pas mal. Bon, c'est un peu désespérant. Ils ont trouvé le filon. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai regardé, on était environ à 2 900 000 c'est vues. Pas mal. Pour GTA Go. J'en fais partie, j'en suis fier. Moi aussi, malheureusement. Ça donne envie. Je ne suis pas certain que je mettrais de l'argent dedans. 20 euros, c'est ça. Je sais pas. Non, ils vont pas vendre ça 20 euros. Pas 20 euros. Je dois confondre avec un bon mode multi, mais non. Mais je sais qu'on peut déjà participer à. Même 5 euros. En plus, il y a encore bourré de bugs. Bon, mais bon. Je pense que les bugs, ça fait le charme du jeu sur ce coup-là. Oui, ça a même amélioré, je crois que... Si vous avez l'occasion de regarder la vidéo, le coup du la chef monte la grue, c'est juste à pousser de rire. Avec la langue, elle monte une grue avec la langue. Grue, ça me fait penser qu'une fois, il y avait un salon du bâtiment qui était prévu, et je passais là avec un ami, puis on fait un peu le tour des stands. Il y avait même un champion de Rubik's Cube pour vous dire que c'était vraiment n'importe quoi ce salon. Et c'était pour présenter le métier du bâtiment, de la construction, aux lycéens, aux étudiants. Et il y avait un stand d'une école de conducteurs de grue, avec un vrai simulateur de grue. Oh, forcément. Voilà. Donc je me suis mis dans le fauteuil, j'avais les commandes de la grue, il y avait un écran géant devant moi qui me permettait de diriger la grue. Eh ben, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Qu'est-ce que tu as détruit J'ai pas construit grand-chose, j'ai pas détruit non plus, mais c'est... Conduire une grue, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, moi j'ai hâte que ce jeu sorte de sa bêta, en tout cas. Et que d'autres gens l'achètent et fassent d'autres vidéos. J'ai pas question de mettre un euro là-dedans, non plus. Mais je sais quand on jouait à GTA, ce qui nous faisait le plus marrer, ou même un jeu de moto, je me souviens, où le jeu de moto, tu fonçais contre le mur et ton perso se retrouvait éjecté à 5 km. Microsoft Madness. Motocross Madness. C'est ce petit charme qui fait que tu te marres comme un fou. Et dans les GTA, c'est des situations qui sont complètement stupides, originales. C'est quand tu sors du scénario, de la route habituelle. C'est comme aussi. Avec le bonhomme que tu lançais contre la grille. Les épreuves de son en hauteur, hein, c'était jouissif. Mais t'as l'impression que c'est un jeu dédié à ça, quoi. Voilà. Moi, je laisserais les bugs. Si j'étais eux, je laisserais les bugs. Motocross Madness, il y avait un bug. Et les gens, je ne faisais que ça. Un bug qui faisait que ta moto, quand tu arrivais à certains points dans certaines positions, décollait à des kilomètres. Et c'était le seul intérêt du jeu. Et t'avais le cri du gars. Ah, et le con. Il faudrait même pas imaginer que le développeur corrige le bug. Ça fait pas il coule la boîte. Enfin, non, c'est Microsoft. À tel point que lorsque la suite avait été sortie, on avait directement essayé de faire le bug. Il marchait plus. Et on n'a jamais joué à ça. On n'a jamais joué à la suite. Quelle erreur. Il y avait Carmageddon aussi, qui était bien bugué aussi. On pouvait faire pas. Alors ça, je me souviens, parce que. J'ai connu Alain quand j'étais au collège, et il vient me voir, il me fait « Ouais, il y a un nouveau jeu de bagnole, la Carmageddon. Tu peux foncer dans les gens, et ils restent collés à ton pare-brise. » On voit le... D'accord. L'éthique du jeu. À tel point, c'était révolutionnaire à cette époque-là, quoi. Tu peux conduire 5 minutes avec le gars sur ton pare-brise. Il était horrible, ce jeu. Les grands-mères en déambulateur. Est-ce qu'on doit reparler des moments de balle de film 1942, ou... On a passé des heures à essayer de poser des jeeps sur les ailes des avions pour les laisser. On a essayé de faire beaucoup de choses avec les avions dans Battlefield. Donc dans Battlefield, t'avais une map où t'avais un grand avion américain. Le gros bombardier, voilà. Et on s'amusait à tous monter sur les ailes. Et il y en a un autre qui prenait un avion, on essayait d'atterrir dans l'avion en dessous. Voilà, de passer d'un avion. Un carnage. Mais c'est ça, il y a certains jeux où tu t'en souviens que par leur bug, quoi. C'est triste, mais c'est vrai. Voilà. Bon. Et je pense que God Simulator, pour moi, il va rester dans les années. On verra. Ça dépend. On verra. souvent les bons jeux, justement, où on se souvient des bugs, parce qu'on a tellement joué au jeu qu'on trouve les bugs. Là, le problème, c'est qu'apparemment, on démarre le jeu, on est dans le bug. Bug simulateur. Donc je ne sais pas si... Non, mais tu trouves des bugs dans le bug. À l'époque, quand tu installais un jeu, tu y jouais beaucoup. Tu le rentabilisais. Maintenant, les jeux, tu passes plus de temps à les installer qu'à y jouer, des fois. C'est pas faux. On va passer à un autre jeu, Banish. Et je pense qu'on devrait peut-être faire une petite pause. Oui, alors, on a une feuille de conduite. Hein, un splendeur. Voilà. On a une feuille de conduite et il est marqué Elder Scrolls Online. Je le réserve pour la deuxième partie de l'émission. Bon, d'accord. Je pense qu'il y aura Elder Scrolls Online et le quiz. Il y aura une rubrique Elder Scrolls Online dans chaque podcast. je crois. Oh, c'est pas plus mal. Enfin, on parlera d'Hearthstone dans tous. Il y aura une référence. À l'épisode 63, je veux qu'on ait une référence. Beaucoup de place dans les prochaines émissions pour les nouveautés, mais c'est pas grave. Et Mr. T, on l'a oublié aussi. On va peut-être faire une petite pause musicale. On va vous passer un bon morceau. Et ça fait l'occasion pour nous de se faire une petite pause également. Et on se retrouve juste après. Et on reprend cette émission de l'Another Podcast avec un jeu qui est sorti récemment, c'est bien ça? Il est encore en bêta, il est encore en développement, on va dire. Mais bon. On peut l'acheter, mais il n'est pas encore finalisé. Je crois. Qui a pour titre Banished. C'est un jeu de... Alors, j'ai envie de dire simulation, mais c'est gestion de ville. Un gros jeu de gestion. Okay, bon. À ce niveau-là, c'est vraiment du lourd. Pour simplifier au maximum, il faut gérer un village médiéval. On a des gens, des espèces de colons qui se retrouvent dans la nature avec un peu de ressources, et puis on leur dit quoi faire. Qui ont été bannis. D'où le titre. À mon avis, oui. Voilà, je n'ai pas regardé plus loin. On a des colons sur une île, on a des ressources et on leur dit, voilà, commence à faire des maisons, faites des routes, des entrepôts, des champs, des mines, enfin c'est parti, dans l'ordre que vous voulez, ou rien, vous pouvez les laisser creuser si vous voulez, j'ai pas essayé encore. Et le but, c'est de développer sa petite ville, sa petite civilisation, sa petite colonie et compagnie. On a l'impression que c'est très simple lorsqu'on l'installe, qu'on commence le tutoriel, et plus on avance dans le tutoriel, plus on se dit, oh mon dieu, c'est une vraie usine à gaz. Parce que le développeur, parce qu'il est tout seul. Il est tout seul à tout faire, les graphismes. Alors la musique, je sais pas trop, mais... Donc c'est Luc Odorowicz. C'est possible. Donc c'est un programmeur qui a bossé 10 ans dans des grosses boîtes du jeu vidéo. Il a participé à plus de 15 titres. Puis il en a eu marre, il a posé sa démission. Et il a commencé un jeu de zombies, et puis il s'est rendu compte que le marché était un peu surpeuplé de... Ah bon, c'est pas chiant. Pour n'importe quoi, Steam ou ton Google Store, suggestion, zombies. Voilà, d'accord. Font tous les zombies. Donc il a arrêté son jeu complètement et puis il a décidé de faire un jeu de gestion, donc celui-ci, Banished. Et qui est une bonne idée d'ailleurs. Donc c'est vrai que quand on voit le jeu, on se dit, il y a un gars tout seul qui l'a fait, on a du mal à imaginer le nombre d'heures, le nombre de boulot qu'il a pu faire à ce niveau-là. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il a commencé? Non. Il y a 15 ans. Il a commencé à le développer sur PS1. Tu disais que c'était du lourd, mais pas vraiment. Enfin, parce que le jeu, une fois installé complet et tout, qu'on l'a installé par Steam ou par l'installeur, fait quand même 200 mégas sur un disque dur. Ce qui est ridicule. Ça tient sur même, ça va tenir sur un téléphone. Il n'y a pas encore de version mobile. Quand j'ai du lourd, c'est vraiment par rapport au niveau de la gestion. Absolument. Moi, j'ai été bluffé par Tu hésitais sur le mot simulation, mais c'est presque la simulation de village. Parce que. Tout à fait, ouais. Les paramètres. Il n'y a pas de paramètres, on laisse simplement les gens, on leur donne de la nourriture, on leur dit il faut autant de gens pour ramasser des plantes ou pour chasser des animaux ou pour construire une maison et les gens se débrouillent tout seuls. On ne contrôle pas grand-chose, mais ce n'est pas forcément évident de savoir laisser les gens en survivre, passer les hivers, les années et compagnie. Au niveau de la population, comment tu gères ça? Est-ce qu'ils font ça tout seuls? Est-ce que ta population augmente de jour en jour? Non, tu crées une baraque et on autre, commence hein. avec... T'as des couples peut-être. Qui se forment. On commence peut-être avec une dizaine de personnes. Ça doit être et ça. Ouais. La façon dont... Et des enfants. La Donc façon on... dont ils vont avoir plus ou moins d'enfants, ça dépend aussi de la qualité de la nourriture, des conditions climatiques. S'ils meurent beaucoup l'hiver, enfin s'ils n'ont pas assez de bois pour se chauffer, il y aura moins d'enfants, etc. Et je vois sur une partie que j'ai faite, parce que j'en ai fait quelques-unes. J'arrivais à 22 personnes, et puis zéro enfant, je dis qu'est-ce qu'ils font les gens, ils vont faire des enfants. Mais je sais pas pourquoi ils n'arrivaient pas à faire d'enfants, peut-être qu'ils étaient trop, ils avaient trop de travail, ou ils étaient trop... Je sais pas, par contre la nourriture ça ne manquait pas, j'avais 6000 de réserve de nourriture, je pouvais même la revendre tant que je voulais. Ils passaient leur temps à manger. De temps en temps, quand j'avais un enfant, j'étais super content, oui, un ouvrier en plus. Il est mort. Il n'est pas mort. Tragiquement, dans la mine. J'avais fait une belle école pour les enfants avec un professeur. Bon, il n'était pas à temps plein parce que quand il est petit du genre, je l'envoyais ramasser des plantes ou construire des ponts ou je ne sais quoi. Parce que tout le monde sait tout faire dans cette ville-là. C'est excellent, mais je ne sais pas pourquoi ils n'avaient pas plus d'enfants que ça de temps en temps. Donc, tous les 6 mois, j'avais un nouvel enfant et c'était où? Il était bienvenu. C'était la fête au village. Et tous les 2 mois, j'avais un mec qui crevait. Aussi, voilà. J'ai construit mon cimetière, j'ai eu mes premiers morts et tout. Et c'est limite le jeu où t'es content qu'ils sont morts, tu crées un cimetière, tu fais waouh, j'ai des tombes. Oui, mais il faut des gens pour les construire et c'est vraiment passionnant comme jeu. Il se passe pas grand chose. C'est des gens qui construisent, qui récoltent, qui chassent, etc. Mais le principe est hein, parce que le développeur est vraiment à fond dedans et c'est vraiment une simulation. Bah, c'est pour... pas du SimCity où il n'y a pas des animations de folie ou je ne sais quoi. Pour rebondir ce que tu viens de dire, c'est vrai que le fait que tu passes tellement de temps à te dire « ça y est, j'ai un enfant », etc., que plus ton village évolue, plus tu te sens vraiment impliqué dedans. Tu as l'impression que c'est vraiment ton village, que limite tu connais les gens. Ouais. Ils ont des noms un peu bizarres. On peut pas changer les noms, mais on le suit. Tu dis, ah, tout à l'heure, celui-là, il était en train de ramasser du bois. Maintenant, il est en train de faire ça. Tu peux t'amuser à laisser ouvrir si tu veux et tout. Tu vois les âges des gens et tout. C'est vraiment intéressant. Donc, le moteur de simulation est vraiment très poussé jusqu'au nombre de bûchettes consommées par les villageois, le nombre de kilos de blé, le nombre de côtes vaches. Et des fois, c'est à la bûchette près. Quand il me manque une bûche de bois pour finir ma maison, je cherche sur le territoire une bûchette pour envoyer quelqu'un. Pour, enfin, envoyer quelqu'un. Je dis simplement, je sélectionne la zone et je dis, il faudrait récolter du bois dans cette... Et il y a peut-être quelqu'un qui vient d'un autre bout du village et qui va peut-être le récolter en attendant d'avoir du travail à faire. C'est super bien fait. C'est ça que je trouve dommage, c'est que tu puisses pas sélectionner les unités précisément et les envoyer à un endroit précis. T'as pas de contrôle tout ça intelligemment. T'as pas de contrôle, c'est bien et pas bien en même temps, quoi. Des fois, t'as envie de dire, bon, je veux prendre ces 10 personnes-là spécifiques, parce que les autres, ils sont en train de construire. Si tu choisis de mettre 10 gars, il y en a un qui va arrêter la construction, il va se barrer. J'en sais rien, je sais pas comment ça marche. Et mais... assez indépendant, t'as vraiment l'impression d'avoir une petite vie dans ton ordinateur et qui des gens presque vivants. Ils savent tout faire, ils savent que, voilà, quand il y en a... Si t'en as un qui a le rôle d'ouvrier à ce moment-là et qui n'a pas de travail à faire, et qui s'aperçoit qu'il y a du... On lui a demandé de récolter du bois dans... Enfin, qu'il y a du bois à récolter dans une zone. Il va aller le faire en attendant. Et tu peux suivre la construction des bâtiments, et c'est vraiment amusant. Enfin, amusant, c'est... Ça doit être c'est assez spécifique. Prenant. Comme... J'ai pas joué, j'ai fait que le tutoriel, mais ça... C'est assez fascinant. Et... C'est prenant dans le sens que c'est vraiment réaliste. Que ce soit au niveau des saisons, tes champs, c'est pareil, fonctionne au niveau des saisons. Si tu plantes un pommier, ça sera vraiment réaliste à ce niveau-là. J'ai envoyé des villes où j'avais des herbalistes qui récoltaient des plantes médicinales. Et je voyais la haie-mont, j'ai arrêté parce que j'avais trop de plantes, donc j'ai coupé la production de plantes médicinales. Puis j'ai vu la santé de mes gens qui diminuait au bout d'un moment, et ils n'avaient pas d'enfants, et j'ai remis deux personnes à refaire des plantes, etc. Et tout à coup, ils ont des enfants. Enfin, c'est sur le long terme en plus, hein, parce que quand on lance la construction de maison, elle apparaît pas en 10 secondes, non, non. Pendant ce temps-là, il y a une saison qui peut poser. Un champ qui est construit, on met un champ de blé ou de haricots ou je ne sais quoi. Le champ va mettre un certain temps à pousser complètement. Ça peut mettre plusieurs années à ce qu'il soit cultivable, j'ai l'impression. Peut-être pas plusieurs années, mais plusieurs, ça va au moins parce que ça, en plus, ça dépend si tu le lances au début de l'hiver ou à la fin de l'hiver, ça dépend aussi des plantations. C'est la simulation extrême, moi j'appelle ça. C'est assez hypnotisant. Pareil au niveau du régime alimentaire des gens, s'il n'est pas varié, au début, ils mangent des patates. Il faut qu'ils aiment les patates. Heureusement, on peut faire des pêcheurs, on peut faire des chasseurs, ça change un peu. En sachant que les chasseurs vont aussi récolter du cuir sur les animaux. Et avec le cuir, on pourra pouvoir faire des animaux, pour des vêtements, pour que ces survivants, enfin ces habitants, tiennent l'hiver. Et je suis même arrivé à un point où même mes pêcheurs arrivent à récolter du cuir. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas s'ils ont fait des animaux morts. Je sais des crocodiles. Voilà, peut-être des crocodiles qui passaient par là. C'est balèze quand même comme pêcheur. C'est très fort comme pêcheur. On dit qu'ils savent tout faire, ils savent vraiment tout faire. Tout faire. Ouais. Et on voit les ressources se déplacer. Les ressources, on peut les stocker. Elles sont, par exemple, les pêcheurs ont les ressources sur leur lieu de pêche. De temps en temps, il y en a un qui prend un cajou de poisson qui va l'emmener à l'entrepôt du village. Et de l'entrepôt du village, peut-être qu'un autre ouvrier l'emmènera au marché, etc. C'est vraiment passionnant. Non, c'est vraiment. Enfin, les gens qui apportent les ressources de construction sur une maison, ils apportent le bois, ils apportent la pierre, etc. Puis, quand toutes les ressources sont là, ils commencent à construire la maison. Je pense personnellement, je prendrais plus plaisir à jouer à ce jeu-là qu'à SimCity. Parce que SimCity, c'était. Enfin, t'arrivais dans un village, tu construisais des trucs et t'étais forcé de faire quelque chose parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. T'as beaucoup d'indications. Ouais, mais je veux dire, SimCity, par exemple, t'as les égouts, t'as plein de merde, tu fais mes bordels. Quand est-ce que je peux faire un peu ce que je veux, quoi? Voilà, là, tu peux faire ce que tu veux. Tu fais plus ou moins ce que tu veux. T'as 2-3 trucs à. Enfin, voilà, la santé des personnes, le froid de l'hiver, tout ça. Mais je pense que t'as plus de liberté là-dedans. Et, non, justement, c'est vrai, c'est ça qui est innovant. Parce que SimCity, moi je comprends pas la personne qui a joué au 1, au 2, jusqu'à maintenant, qui a acheté tous les SimCity et qui s'amuse avec. Parce que plus ou moins, c'est toujours la même chose. C'est plus joli. Bon, ils essaient de pousser, toujours un peu plus loin. Mais... On peut faire des routes qui sont pas forcément droites, elles peuvent être courbées. Faire ouais, des mais voilà, c'est moi ce qui m'a dérangé, c'est que dans les derniers SimCity, ils se rapprochent aussi de Sims. Ouais. Donc en même temps, t'as une gestion de Sims qui est présente à l'intérieur. Et bon, ça m'avait un peu gêné, mais. Ça part tellement dans une grande ampleur que j'ai toujours du mal à suivre tout ce qui se passe. Le dernier, j'ai pas joué. La version online avec tous les bugs. Ce qui est chiant, voilà, c'est que tu peux même plus faire de l'offline. C'est comme Diablo 3, on n'a pas encore. Je suis pas revenu là-dessus, mais en plus, un Sims, un SimCity, ça coûte, je sais pas, 50-60 euros. Ça, ce jeu-là, on peut l'acheter sur Steam. Bon, mais on peut aussi l'acheter directement sur le site du développeur. Ça coûte un peu moins cher, environ 15 euros. Et moi je sais que moi j'ai acheté au moins pour soutenir le développeur. Le développeur, ça fait bizarre de dire ça. Un gars tout seul dans son coin. Et voilà, j'espère que voir le jeu évoluer aussi, avoir des nouveautés, etc. Ouais, déjà, il y a vraiment beaucoup de boulot qui a été fourni pour ce premier opus. Enfin, donc, le développeur est à l'image des villageois ou l'inverse, parce qu'il sait tout faire aussi. C'est pas faux. Il n'y a pas beaucoup d'options. On dépasse pas l'âge de. On peut récolter du métal, j'en suis même pas encore là, du charbon et du métal pour faire des outils un peu avancés. Mais il n'y a pas encore d'évolution possible pour l'instant. Mais peut-être que plus tard, on aura d'autres choses. C'était quoi le jeu d'ailleurs où tu commençais à l'âge de pierre et tu finissais. Tellement à l'ère nucléaire. Ouais, ouais. On a tellement sur ce principe-là. Empire, voilà, tous ces jeux-là. Moi, dans ce jeu-là, j'ai pas envie de voir, à la limite, des extraterrestres à la fin. Quoi. J'ai envie de voir ma vie grandir. Que là, je suis content, j'ai atteint presque 25 habitants. C'est énorme. Un peu plein de folie. Quand tu vois les achievements à la fin, faire une ville de 500 habitants en 200 ans... J'imagine même pas. Apparemment, on aurait une possibilité jusqu'à 600 habitants. On pourrait dépasser ce seuil, en tout cas. Donc quand on démarre le jeu, on démarre sur une carte aléatoire, on a vraiment les demi-douzaines de cul de terreux qui sont comme ça là sur la map et on commence à construire ses premiers buildings. Un peu de nourriture et c'est parti, on fait ce qu'on veut. Mais vraiment extrêmement complet, extrêmement de simulation et de gestion qui sont mis en place. Et ça en fait vraiment un jeu sympathique et puis ça donne envie de supporter ce développeur justement qui est sorti des rangs des grands studios. Un jeu qui prend 200 mégas sur un disque dur. Comme à la grande époque. Je l'ai même pas mis sur mon disque dur SSD. Il y avait un mec qui faisait le jeu et un mec qui faisait la musique. À l'époque, c'était ça. Non, mais c'est vrai. Des fois, c'était le même. On sait qu'il faisait pas tout en même temps. Des fois, c'était le même. Bon, là, visuellement, c'est pas du jour, mais on sait jamais ce que ça peut donner. J'aimerais bien avoir des options qui te permettent de voyager dans ta ville en première personne et tout. Tu peux suivre un personnage. Saluer ton mec et tout. Tu peux suivre un personnage. Comme dans Thème Park, tu avais une caméra, tu pouvais te balader dans ton parc. Ça serait bien. Peut-être plus tard. Ça viendra. Hein. Peut-être. On sait pas. Oui, et puis voilà. Ah, il est complet, il arrivera peut-être. J'imagine tout de suite, tu rajoutes une chèvre et tu joues la chèvre. Je confonds avec un autre mix de tous les jeux. On va tout mixer. Je confonds avec un autre jeu. Et puis t'as des dragons qui arrivent dans le ciel et tu dois les combattre. Il y a des événements catastrophiques. En théorie, j'en ai pas encore eu. Je suis pas encore allé assez loin dans le jeu. Mais dans les options, quand tu crées une map, tu peux, t'as plusieurs paramètres. Donc tu peux déjà créer ce qu'ils appellent une seed. Enfin, tu peux choisir la seed. Donc t'as un numéro aléatoire à 9 chiffres. Et en fonction du numéro que tu mets ou que tu le génères aléatoirement, tu as une map différente. Voilà, avec des rivières, des lacs positionnés différemment, des montagnes et compagnie. Comme tu disais, on peut tous faire plus ou moins la même map, mais faire un village complètement différent. Et absolument. C'est assez intéressant. Après, tu peux changer la taille de la carte. La difficulté, les conditions de départ, le climat et compagnie. Taille de la carte qui, en passant, quand on la met en large, c'est large. T'as de quoi faire, hein. Passons peut-être à une autre actu. Enfin, c'est pas forcément une actualité cette fois-ci, c'est plus un prétexte. Un débat. Prétexte à passer un album découverte. Oh mon dieu. Et c'est vrai qu'en regardant, à chaque fois, il m'arrive souvent de jouer à des jeux de foot. Et je me demande à chaque fois à quoi je vais jouer lorsqu'il y a un jeu qui sort. Est-ce que je vais jouer au PES ou est-ce que je vais jouer au FIFA? Ou à aucun des deux. Il fut une époque où lorsqu'on jouait à un jeu de foot, on jouait quasiment à que du PES. Alain, tu me confirmeras. Oui. Parce qu'il était plus proche de la simulation et qui était moins arcade. À l'époque, il y avait vraiment le FIFA arcade et le PES simulation. Comme le Mac et le PC. Ouais. on peut pas non plus comparer. Bon. Et à l'heure d'aujourd'hui, puisque lorsqu'on va faire une partie avec des potes, etc., on va plus jouer maintenant à FIFA. Et c'est vrai que j'ai testé une fois le PES, c'est vite rentré au placard, j'ai trouvé ça lent, Et voilà, c'est ce qui pourrait faire l'aspect simulation. Mais c'est vrai que question fun maintenant, et FIFA s'est quand même amélioré à ce niveau-là. Parce qu'à l'époque, FIFA, c'était n'importe quoi. On tirait n'importe quoi. Les passes, c'était tac-tac, ça marchait à chaque fois. Maintenant, un petit peu moins quand même. Il y avait un auto-aim comme dans les FPO. Autopass. Autopass, non ? Bah, c'est ça. Il y a aussi une histoire de licence par rapport à FIFA et PES. PES a beaucoup moins de licences. Ah, avec les vrais noms des vrais joueurs, voilà. Les photos, c'est après, ça. Après, c'est toujours possible de les remodifier dans les options. Est-ce que tu peux mettre ton visage à toi sur un joueur ? Non, non. Dommage. Est-ce qu'on peut jouer avec le Kinect pour faire les vrais gestes et tout? Bah, je me demande s'ils n'ont pas inventé un truc comme ça. C'est possible. Carnage dans le sable, ça s'appelle. Carnage dans les fleurs. Donc, moi, ce qui m'a toujours étonné dans les deux jeux, c'est que, comme par hasard, donc il y a les PES et FIFA, qui sont des éditeurs différents choses, mais chaque année, on a le même numéro. Donc en ce moment, on est au 14, PES 14, qui sort à peu près en même temps que FIFA 14. Ouais. C'est bien fait quand même. Mais qui sort jamais en 2014, hein, qui sort bien avant. Ah, en plus, ça n'a rien à voir. C'est pour l'année prochaine en fait. C'est pour la moi, saison, ça, quoi. Donc, ça remonte il y a assez longtemps parce qu'il y avait la série, c'était Winning Eleven à l'époque. C'était les tout premiers PES qui étaient sortis sur PlayStation, enfin qui existaient sur Super Nintendo. Mais la première version PlayStation, pour moi, était carrément mieux que les premiers FIFA qui sont sortis sur PlayStation par exemple. Et après, en avançant avec le temps, j'ai adoré le PES 1, le 2, le 3. Et passé le 3. Je suis laissé faire un petit FIFA de temps en temps, et maintenant la tendance s'est inversée, et je n'arrive plus à jouer un PES. Alors que pourtant je ne jurais que par PES, mais maintenant c'est FIFA. C'est pareil. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on a donc PES 14 et FIFA 14. Alors j'ai regardé un peu les reviews sur le net, et il se trouve que le seul avantage que FIFA a par rapport à... Non, le seul avantage que PES... par rapport à FIFA, c'est au niveau du moteur graphique. Sur ce niveau-là, il gagne un point par rapport... Eh oui, oui, je vois que tu me regardes avec des grands yeux, Alain, mais non. On peut aller voir, mais... C'est une question de goût, je suppose. PES serait apparemment... aurait un meilleur moteur physique que FIFA. Et c'est le seul point moteur qui... physique, oui. Oui. Pas moteur graphique. Hein. Je suis... Oh oui. Là là. Voilà. Graphiquement, je crois que je suis incapable de faire la différence. Je suis désolé. Effectivement, oui, moteur physique. C'est oui. Important. Toutes mes excuses. Et lorsqu'on regarde après l'enchaînement des points, ben PES ne gagnera plus rien, puisque même au niveau que ce soit des joueurs, on va avoir. Les joueurs seront moins ressemblants que par rapport à un FIFA. Ça encore, je dirais, la ressemblance des joueurs, les licences, ça peut être secondaire. Faut qu'il y a le nom sur le t-shirt. Bah non, même. Ça peut être secondaire. Hein. À l'époque, tu prenais n'importe quel jeu de foot, tu jouais avec la France, tu jouais avec l'Espagne, bah voilà, tu prenais le pays. Mm. Là, maintenant, il faut qu'il y ait le bonhomme, le joueur, le machin. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une interface qui est un peu plus repoussante pour le PES. Au niveau des championnats, il y a moins de championnats. En mode le mode carrière de FIFA est beaucoup plus évolué que celui de PES. Beaucoup plus de choses à faire. Et l'interface est plus intuitive. Enfin, voilà, quoi. Même au niveau du gameplay... À ce niveau-là, il n'y a plus rien à dire. Mais j'imagine que les fans de PES, les acharnés, enfin, il y aura toujours un minimum de joueurs qui suffit à faire vendre le jeu. D'ailleurs, si il y a une nouvelle version. Ils oui. Vendent toujours, hein, il y a toujours des tournois. Donc, c'est que... Mais j'en ai parlé avec d'autres personnes et c'est vrai que tout le monde a plus ou moins est repassé sur FIFA. Et le pire, c'est qu'avec un peu de, je dirais pas de dégoût, mais un peu de déception en se disant « Merde, j'ai soutenu PES pendant... » tant d'années, et maintenant je me retrouve à jouer à FIFA, et c'est un peu triste. C'est, ouais. Donc j'en profite pour faire une petite dédicace à une autre émission qui est sur la radio Bellafond, qui s'appelle Au-delà du ballon. Et on va leur dédicacer l'album Découverte qui arrive. Oh là là. Je sais que, Alain, c'est un album Découverte qui te tient beaucoup à cœur. Ouf. Et qu'on a découvert ensemble. Découvert sur quelques années, oui. En écoutant Bid et Musique. Voilà, sur Bid et Musique. Et on a entendu cet album et on s'est empressé d'essayer de l'acheter. On n'a pas réussi. En tout cas, on s'est procuré une version et on l'a plus ou moins écouté en boucle après la première écoute. Et je vous présente Rémi Tarrier. Avec. J'arrive pas à comprendre. Il n'y aura pas de match retour. Comment j'ai pu la perdre? Quand je t'ai connu, j'étais hors jeu. J'attendais la mi-temps pour souffler un peu. C'est beau. Depuis un bon moment, je touchais plus un ballon. Chanson à texte encore. Heureusement qu'on chante, on ne fait pas. Sur la surface de réparation. Je pense qu'il est resté longtemps célibataire. Est-ce que c'est un ancien footballeur? J'étais triste. Il y a beaucoup d'anciens footballeurs qui sont des chanteurs. Le plus connu étant Roger Iglesias. Je crois qu'il a joué soit à Barcelone, soit à Madrid. Sous une grâce lumineuse, bon, Jean-Pierre la vision du jeu se fait plus claire. Je t'ai tout de suite remarqué. Démarqué près du poteau de corner. Ah, il y a du texte, hein. Il y a de la recherche. Une occasion comme ça, il n'y en a pas deux dans un match. C'est une belle déclaration d'amour. J'ai pas hésité. Contrôle de la poitrine, reprise de volée, en plein cœur. Wow, attention. T'es belle comme un coffret de platine qui va dans la lucarne. La musique derrière est assez rouge, je trouve. Non. Les instruments, c'est après, je crois. Non, c'est ça. C'est ça qui fait le charme. On peut toujours dire que c'est le vinyle qui a un peu du mal. Comme un tir de rocheteau qui s'écrase sur le poteau. Ça touche quand même une certaine génération de joueurs de fans de football. La précédente. Est-ce qu'il va refaire une version 2014 avec. Non, pas Vidal, mais non plus là. Donc, est-ce tard, qu'il est encore là, Méditerranée? Je n'ai encore jamais aimé le niveau international. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Tu nous contactes? Pas. Je comprends que ce sera très physique. Mais j'aime aller me contacter. Épaule contre épaule, nous partons en une deux. Je sens que tu veux changer d'aile. Tu essaies de t'échapper par quelques feintes de corps. Mais je reste vigilant. Toujours à la limite de la correction. Jusqu'à cette putain de 89e minute. Je jure. Il n'y avait pas pénalty. Tu t'es laissé tomber tout seul. Résultat, lorsque j'ai protesté, tu as sorti ton carton rouge en me disant. Attention. Pour toi, c'est fini. Il n'y aura pas de match retour. Je ne pleure pas, non, c'est la douche. Au stade où j'en suis. Dans je un peu pas les noms des joueurs sont franchement à la tête. Je veux qu'on m'en taise. Les termes footballistiques sont toujours les mêmes. Si vous avez contre toi. T'es belle comme un coffre de Platini qui va dans la lucarne. Comme un petit pompelé dans un mouchoir de poche. C'est vrai qu'il faudrait faire une version actuelle. Moi qui suis comme un tir de rocheteau qui s'écrase sur le poteau. Ouais, on sent ça. Imagine comme je fus étonné que tu m'aies sélectionné. T'es belle comme. Donc, t'as encore le vote qu'elle joue. Platini qui va dans la lucarne. Merci. Comme un tir de Ribéry qui va chez Paris. Je beau et Ribéry dans la même phrase. C'est ça qui est magique. Donc je défie l'émission de la ballon d'utiliser cette musique. Oh, je pense que non, ils l'ont pas passé. La mettre en générique. Peut-être pas en générique. Il faut au moins profiter de cette belle musique, de cette chanson à texte. J'ai bien envie de leur mettre en couple une fois. Puis des musiques ont une émission qui s'appelle Ils ont osé. Ah ben. C'est souvent des chanteurs français qui ont chanté en anglais, au contraire. C'est pas mal. Donc on va clôturer ici cette première partie de l'émission spéciale jeux vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt et d'ici là, portez-vous bien.